Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 17 mai, nous souhaitons une bonne fête au Pascal, ça vient de l'hébreu signifiant passage. Pascal est un homme étrange, est-ce parce qu'il demeure souvent réservé et qu'il aime cultiver son mystère, ou bien parce qu'il mène sa vie sans forcément s'occuper des modes et des usages. Cet homme énigmatique donne souvent l'impression d'une certaine froideur, c'est pourtant un tendre et un sentimental, même s'il ne sait pas toujours pleinement s'exprimer et tente à refouler ses émotions. Par ailleurs, il est à la fois cérébral, introspectif, réfléchi, intellectuel et très mobile et actif au point d'être partout à la fois. Il se montre curieux de tout, impatient, impulsif. Malgré son aisance et son adaptabilité, il est inquiet et méfiant et se replie sur lui-même en cas de choc affectif. Dicton du jour, on commence avec celui-ci à la Saint-Pascal. S'il fait beau, l'été sera méridional. À la Saint-Pascal, traiter les pucerons, c'est radical. S'il tonne au jour de Saint-Pascal sans grêle, ce n'est pas un mal. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. C'est également la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Et en Norvège, c'est la fête nationale. Ça s'est passé un 17 mai en 1642. Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, fondait Ville-Marie en Nouvelle-France, qui deviendra par la suite la ville de Montréal. Et en 1814, c'était l'adoption de la Constitution de Norvège et l'élection du prince Christian Frédéric de Danemark comme roi de Norvège par l'Assemblée constituante norvégienne. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec la chanteuse Enya et son titre Only Time. Say if your love grows as your heart shows. Omnitime de la chanteuse Enya sur RGM. Il est presque 8h36, on parle anniversaire. 1953, naissance de Gérard Kravzik, réalisateur français à qui l'on doit Héroïne, Taxi 2, 3 et 4, Wasabi, Fanfan la Tulipe, L'Auberge Rouge ou encore des épisodes de la série télé Taxi Brooklyn. 1954, naissance de Jean-Marie Bigard, humoriste et acteur français vu dans Vive la crise, Chacun sa vie, la série télé Maggie, Le Dirlo dans le rôle de François Ragneau, RIS Policier scientifique, et a noté qu'il avait participé à la saison 1 de Danse avec les Stars. 1961, naissance d'Enya, chanteuse irlandaise. 1965, naissance de Paige Turco, actrice américaine, vue dans la série télé La Force du Destin, New York Police Blues, La Vie à 5, espion d'État dans le rôle de Terry Lowell, Blue Bloods, Person of Interest dans le rôle de Zoé Morgan, ou encore NCIS Nouvelle-Orléans. 1966, naissance de Hill Harper, acteur américain, connu pour son rôle de Sheldon Hawks dans Les Experts Manhattan, vu également dans Les 4400, Covert Affair, Limitless ou encore Homeland. 1973, naissance de Sasha Alexander, actrice américaine. Vu au cinéma dans Mission Impossible 3, Ce que pensent les hommes, dans la série télé Dawson, dans le rôle de Gretchen Witter, dans NCIS Enquête Spéciale, dans le rôle de l'agent Kathleen Todd, ou encore Rizzoli and Hyde, dans le rôle de Maura Hiles. C'est également l'année de naissance de Gérald Dahan, humoriste, imitateur, animateur radio et acteur français, par exemple, vu dans Plus belle la vie. 1974, naissance d'Andrea Corr, chanteuse irlandaise du groupe The Corrs. 1979, naissance de Max Boublil, acteur, humoriste et également chanteur français. Vu au cinéma dans La vérité si je mens 3, Robin des Bois, la véritable histoire dans le rôle de Robin. Vu dans Comme des garçons qui va sortir ou qui est sorti, dans le rôle de Paul Coutard, dans la série télé Sous le soleil qui est numéro 1 ou encore Scène de ménage. Et alors ces chansons, elles sont plutôt prendre au second degré, ce sont des chansons un peu plutôt, on va dire, rigolotes. Et il a notamment sorti le titre En boîte. On écoute tout de suite un extrait. Ce soir, c'est la grosse teuf de l'année. Tous mes potes sont là. Y'a des fois, on le sent, on le sait. Ça va être n'importe quoi. Tout le monde est chaud. Tout le monde sauf moi. Moi je suis le seul dans la boîte qui va se faire chier comme un rat. Je sors en boîte avec ma meuf. Je sors en boîte avec ma meuf. J'ai transformé le paradis en enfer. Je sors. Voilà pour l'extrait du titre En boîte, hein, donc interprété par Max Boublil. On continue les anniversaires. 1982, naissance de Tony Parker, basketteur français qui de 1999 à 2001 a joué au PSG Racing. Depuis 2001, il joue pour les Spurs de San Antonio en NBA. A noter que pendant le lockout, pendant la saison 2011-2012, il a été joué à Lyon, Villeurbanne. Et pour l'instant, on ne sait toujours pas si la saison prochaine, il fera toujours partie des Spurs. A noter qu'il a remporté 4 titres de champion NBA avec les Spurs. Il a été sélectionné à 6 reprises pour le NBA All-Star Game qui récompense les meilleurs joueurs de la ligue. Il a été élu MVP des finales NBA en 2007. Il est le premier joueur français à avoir été sacré champion NBA et également le premier joueur européen récompensé par un titre de MVP des finales. Et à noter qu'avec l'équipe de France, il est médaillé d'or au championnat d'Europe 2013, médaillé d'argent au championnat d'Europe 2011, médaillé de bronze au championnat d'Europe 2005 et 2015. Et aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France, ils ont été quart de finaliste en 2012 et 2016. Et Tony Parker s'est essayé à la chanson. Et oui, il avait sorti un album il y a quelques années maintenant. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne vous parle peut-être pas, mais il avait sorti notamment le titre « Premier Love » en featuring avec Rickwell. Et ben on va écouter tout de suite un petit extrait. Tony Parker, chanteur, ça donne ceci. Wow. On s'est connus, on était gosses, c'était mon premier love. Bien avant le basket, mon premier titre, toujours ensemble. À l'époque, on était croque l'un l'autre. On était jeunes, on était fous, à qui la faute, on était rien sans l'autre. On était simple, on était deux, on pensait un. Un seul amour, un seul avenir, un seul chemin. Et je me rappelle quand je te serrais dans mes bras. Tu me disais que t'aimais ça, t'étais au nirvana. Tu m'as rendu meilleur, j'avais un cœur de pierre. De Cupidon t'étais la flèche, mon cœur était la cible. J'avais pas de thune au départ, pour toi j'aurais décroché la lune sans la fusée. Toujours derrière moi, quoi qu'il arrive, t'étais mon pare-balles, mon porte-bonheur, quoi qu'il arrive. C'était toi et moi à l'infini. Si tu tombes, je tombe, j'étais Clyde, t'étais Bonnie. Baby, I never lied to you and all I do, I've done it for you. Oh my lover, my heart always beating for you. Nothing that I couldn't do for you, I could die for you. Baby, you are my first love, my love. Voilà, Tony Parker et le titre Premier Love. On continue les anniversaires, on va rester en chanson puisqu'en 1984, c'était la naissance de Passenger, auteur, compositeur, interprète britannique, connu notamment pour son titre Let Her Go, dont on écoute tout de suite un extrait. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Voilà pour l'extrait donc de Passenger. On continue les anniversaires. 1985, naissance de Greg Van Avermaet, cycliste sur route belge, qui a remporté le classement par points du Tour d'Espagne en 2008, la classique Paris-Tour en 2011, Tirreno-Adriatico en 2016, Paris-Roubaix en 2017, et lors des Jeux Olympiques de 2016, il a remporté la médaille d'or de la course en ligne. Il est devenu ainsi donc champion olympique de cyclisme sur route. 1988, naissance de Nikki Reed, actrice américaine connue pour son rôle de Rosalie Hall dans la saga Twilight, et elle joue également dans la série télé Sleepy Hollow dans le rôle de Betsy Ross. 1990, naissance de Leven Rambin, actrice américaine vue dans Hunger Games dans le rôle de Glimmer, Percy Jackson, la mère des monstres, dans le rôle de la fille d'Arès, dans la série télé La Force du Destin dans le rôle d'Ava Benton alias Lily Montgomery, vue également dans Terminator, les chroniques de Sarah Connor, dans quelques épisodes de Grey's Anatomy et de Private Practice dans le rôle de Sloane Riley, la fille de Mark Sloane, est vue également dans quelques épisodes des Frères Scott. 1991, naissance de Johanna Konta, joueuse de tennis britannique professionnelle depuis 2008, qui a été numéro 4 mondiale en 2017, demi-finaliste à l'Open d'Australie et Wimbledon, 8e de finaliste à l'US Open et 64e de finaliste à Roland-Garros. Et à noter qu'en 2012, décédée Donna Summer, chanteuse américaine. Allez, on va écouter tout de suite le groupe The Corrs avec leur titre Runaway. Say it's true, there's nothing like me and you. I'm not alone, tell me you feel it too. And I would run away. I would run away with you. The Corrs et leur titre Runaway sur le 107FM, presque 8h49, on parle maintenant météo. La météo. Alors aujourd'hui, ce sera encore nuageux, même si on devrait avoir des éclaircies, mais des orages sont peut-être quand même encore à prévoir aujourd'hui. Des températures comprises entre 11 et 12 degrés ce matin, entre 16 et 18 degrés cet après-midi. Pour vendredi, des éclaircies, des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 16 et 18 degrés l'après-midi. Pour samedi, cela devrait être une journée ensoleillée. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 18 et 20 degrés prévues pour samedi après-midi. Allez, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer bien évidemment avec le football et la finale de l'Europa League et Marseille qui s'est inclinée hier soir face à l'Atlético Madrid 3-0 avec notamment un doublé de Griezmann qui devient d'ailleurs le premier français à inscrire un doublé en finale de Coupe d'Europe. À noter que Dimitri Payet lui est sorti sur blessure. Didier Deschamps annoncera ce soir la liste des 23 joueurs retenus pour la Coupe du Monde en Russie qui débute dans un mois et ça tombe mal pour Dimitri Payet, mais bon, on sait jamais, il sera peut-être appelé quand même par le sélectionneur français. Réponse ce soir. Maintenant un mot de cyclisme avec le Tour d'Italie remporté l'étape hier par Yates. Thibaut Pinot lui s'éclate, c'est 7e sur cette 11e étape, il est toujours 3e au classement général. En hockey sur glace, play-off de NHL, cette nuit l'équipe de Las Vegas de Pierre-Édouard Belmar s'est imposé 4-2 face à Winnipeg. Vegas mène donc maintenant la série 2-1. Et aujourd'hui, ce sont les quarts de finale de championnat du monde. Tout d'abord à 16h15, il y aura Russie-Canada et dans le même temps, États-Unis-République tchèque. Et à 20h15, il y aura Finlande-Suisse et Suède-Lettonie. Un mot de basket, avec les playoffs NBA et Houston qui s'est imposé 127-105 face aux Golden State Warriors. Les deux équipes sont à égalité, une manche partout. On termine avec le tennis et le tournoi de Rome où ça ne va pas très fort en ce moment pour Lucas Pouille qui s'est encore incliné. Hier, c'était face à Edmund. Le français s'est incliné en 2-7, 6-2, 7-6. Benoît Paire, lui, s'est qualifié en 3-7 face à Schwartzmann, 2-6, 6-4, 6-2. Tim s'est incliné en 3-7 face à Fabio Fognini, 6-4-1-6, 6-3. Raphaël Nadal s'est qualifié en 2-7 face à Dzumour, 6-1, 6-0. Alexander Zverev s'est qualifié en 2-7 face à Berrettini. Nishikori s'est qualifié en 3-7 face à Dimitrov, 6-7, 7-5, 6-4. Djokovic qualifié en 2-7 face à Basilashvili, 6-4, 6-2. Del Potro qualifié en 2-7 face à Tsitsipas. Ramos Vinola s'est qualifié en 3-7 face à Isner. Johnson s'est qualifié en 3-7 face à Karina Busta. Anderson a malheureusement dû abandonner et Cilic s'est qualifié en 3-7 face à Harrison. Aujourd'hui, Benoît Paire affrontera Cilic. Fognini se repose à Gojovic, Nadal à Shapovalov, Djokovic à Ramos Vinolas, Nishikori à Kochreiber, Del Potro à Goffin et Alexandre Zverev sera opposé à Edmund. Côté féminin, la qualification de Garcia en 2-7 face à Babos, 6-3, 6-4. L'élimination de Muguruza en 3-7 face à Gavrilova, 5-7, 6-2, 7-6. Stephen s'est qualifié en 3-7 face à Kanepi. Venus Williams qualifié en 3-7 face à Vesnina. Alep s'est qualifié en 2-7 face à Osaka. Sakkari s'est qualifié en 3-7 face à Pliskova. Wozniacki s'est qualifié en 2-7 face à Van Dudvank. Keys qualifié en 2-7 face à Vicky Kerber, s'est qualifié en 3-7 face à Begu. Aujourd'hui, Caroline Garcia affrontera Stephens, Venus Williams sera opposée à Kontaveit, Sevastova affrontera Wozniacki, Kazatkina sera opposée à Svitolina, Sharapova affrontera Gavrilova, Ostapenko sera opposée à Konta, Alep à Keys et Kerber à Sakkari. Voilà pour l'actualité sportive, on va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Donna Summer et le titre Hot Stuff. We'll be right back. Hot Stuff, Donna Summer sur RJM, presque 8h57, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, on va faire un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel. 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel. 14h, Clip Clap, on tourne avec Tanguy. 16h, Les années bonheur avec Gilou. 18h, L'heure des loups avec Lou. 20h, Memento Mori. 23h, Rock à la Casbah. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Et juste le temps pour moi de vous rappeler ce week-end, le concert Solimat, un cri pour la vie organisé par Airplay pour le maintien de la maternité de l'hôpital de Remiremont. Ça se passe au palais des congrès Faubourg de la Croisette au Champ de Mars, donc à Remiremont du 18 au 20 mai. Donc ça débutera dès demain. Allez, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.